détour de ma vie s'il fallait que je mente. Éclairé chaque nuit par la même violence. Au détour de ma vie, ce n'est qu'une évidence. Je suis seule. Me cacher des miroirs de ces gens qui se vantent. M'inventer des histoires, recréer ta présence. Je m'endormais sans toi dans l'oubli et l'absence.